بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui, inshallah ta'ala, le troisième cours dans l'explication du chapitre du mariage tiré du livre Manhaj al-Salikin wa tawdih al-fiqh fi al-din du très savant al-Sa'di rahimahullah ta'ala. L'auteur, après avoir cité deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le choix de l'épouse vertueuse, il dit après cela: وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَّرَ ذَاتَ الدِّينِ الْوَدُودَ الْوَلُودَ الْحَسِيبَ. Il convient qu'il choisisse la femme qui a la religion, الْوَدُودَ, celle qui est bien aimante. Elle aime son époux. Elle waloud, celle qui va avoir des facilités à enfanter. Celle qui va pouvoir enfanter. Et donc l'auteur, lorsqu'il cite cette parole, rahimahullah, il se base sur un hadith qu'il y a dans le recueil Sunan d'Abi Daoud, rahimahullah. D'après Ma'qil ibn Yassar, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: تَزَوَّجُ الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: mariez-vous avec les femmes bien aimantes qui ont la capacité d'enfanter, car au jour de la résurrection, ce qui est voulu ici, donc c'est au jour de la résurrection, Ana mukasirun bikumul umam. Ce qui est voulu ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: au jour de la résurrection, je montrerai aux prophètes, aux autres prophètes, avec fierté, le grand nombre de ma communauté. Et donc, on comprend quoi? On comprend ici un point qu'on a déjà vu précédemment, c'est que l'islam est une cause, c'est que le mariage est une cause de la propagation de l'islam. Le mariage est une cause de la propagation de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le grand nombre de suiveurs, et parmi les éléments qui vont impliquer le grand nombre de suiveurs de sa communauté, il nous cite le mariage avec la femme donc qui a la capacité d'enfanter. Et aussi, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître une femme qui, pour savoir que la femme, justement, elle a la capacité d'enfanter? Et donc, premièrement, donc il y a déjà l'âge de cette femme. Il y a aussi, si cette femme, elle a déjà été mariée et qu'elle a déjà des enfants. Et concernant la femme qui n'a pas été mariée et qui n'a pas d'enfants, alors les savants, ils nous disent que on reconnaît cela dans sa famille. Quand on voit dans sa famille que sa mère a pu avoir plusieurs enfants, que ses sœurs, etc., etc. Car en général, il y a un lien dans la famille dans tout cela. Mais maintenant, est-ce que ceci est une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. L'homme peut très bien se marier avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfants. Notamment, comme on a dit précédemment, la priorité, c'est la religion. La priorité, c'est la religion. Et ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, وَإِذَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ خِذْبَةُ مْرَأَةٍ فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا أَوْ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا. Et donc, il nous dit, si cette personne désire, désire demander une femme en mariage, alors à ce moment-là, il a la possibilité de regarder ce qui chez elle va le pousser à l'épouser, ce qui va l'attirer chez elle. Et donc il peut regarder cette femme. Et donc cette parole de l'auteur, rahimahullah, on va l'aborder avec plusieurs points. Le premier point qu'on comprend dans cette parole de l'auteur, c'est qu'il est interdit de regarder les femmes sans nécessité. Parce qu'ici, il nous dit, il est permis de la regarder. Quand? C'est quand tu veux te marier avec elle, quand tu veux quand tu veux demander sa main. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit aux croyants, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Dit aux croyants de baisser leur regard et qu'ils préservent leur chasteté, ceci est bien plus pur pour eux, et certes Allah connaît parfaitement ce qu'ils font. Le deuxième point, barakallahu fikum, qu'on comprend dans cette parole de l'auteur, c'est qu'il est permis de regarder la femme lorsqu'il y a une nécessité, un besoin. Et parmi cette nécessité, parmi ces nécessités, parmi ces besoins, il y a bien entendu le mariage. Mais ici, j'attire votre attention, barakallahu fikum, sur un point important. Quel est ce point ? C'est qu'il est permis à l'homme de regarder la femme lorsqu'il a l'intention de lui demander sa main. Il a l'intention de lui demander sa main. À ce moment-là, il est permis à l'homme de regarder la femme. Certaines personnes, certains frères, ils vont se poser à un endroit où ils savent que plusieurs femmes vont passer. Hein? Comme par exemple, ils vont se poser près de l'entrée de la mosquée. Et ils savent que les femmes, elles vont passer par là. Et ils regardent les femmes passer, hein. Et après, lorsque tu vas le conseiller, il te dit, mais je cherche à me marier. Ya akhi, taqillah, ça c'est pas permis ce que tu fais. Il t'est permis de regarder la femme lorsque tu as l'intention de lui demander en mariage. Celle-là, tu ne sais pas si tu as l'intention de lui demander en mariage. Tu es là en train de regarder, et ensuite après, elle va voir la femme, est-ce que vous êtes marié? Et si elle est mariée, que tu tombes dans un gros problème, tu fais comment? Et donc ça, ce n'est pas permis, barakallahu fikoum. Nous devons faire très très attention à cela. D'où l'importance, encore une fois, d'apprendre notre religion. Et ça, on le verra dans les hadiths qu'on va citer précédemment, incha'Allah ta'ala. Et donc les quatre écoles, les savants des quatre écoles, ils nous disent, il est permis de regarder la femme quand l'homme a l'intention de lui demander sa main. Avant cela, ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Le troisième point, barakallahu fikoum. Quelles sont les preuves, justement, les preuves de la législation qui montrent que l'homme a le droit de regarder la femme lorsqu'il désire se marier avec elle? Dans le recueil Sunan de l'imam Ad-Darimi, rahimahullah, d'après Al-Mughira ibn Shu'bah, radiallahu anhu, qui dit qu'il a demandé la main d'une femme parmi les Ansar. Donc il a demandé la main d'une femme parmi les Ansar. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, اذهب فانظر إليها. Il lui a dit, va et va la regarder. Donc c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à cet homme d'aller regarder cette femme. Et là il dit, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à cet homme, فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. Car lorsque tu vas la regarder, cette femme, cela est plus propice à ce que votre relation perdure. Cela est plus propice à ce que votre relation perdure. Et donc, barakallahu fikum, le fait que l'homme va regarder son épouse avant son mariage, cela est important pour savoir si, donc, physiquement, cette femme va lui plaire. Et même chose, la femme, elle regarde son futur époux, et donc, cela est aussi important que elle choisisse aussi un homme qui lui plaise physiquement, car cela est plus propice à entraîner que le couple va perdurer, incha'Allah ta'ala. Et ensuite, dans le recueil d'Abu Daoud, dans le Sunan d'Abi Daoud, d'après Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُو إِلَى نِكَاحِهَا فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا مَا شَاءَ اللَّهُ. Et donc Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous demande la main d'une femme, et donc il montre qu'il est intéressé, il veut se marier avec elle, lorsque l'un d'entre vous demande la main d'une femme, si il a la capacité de la regarder, alors qu'il le fasse. S'il a la capacité de regarder ce qui chez elle va l'appeler lui à l'épouser, elle, alors qu'il le fasse. Alors Jabir, il dit, j'ai demandé la main d'une jeune femme. Alors je me cachais afin de regarder ce qui allait chez elle m'appeler à la marier. Donc je me cachais pour la regarder. Il dit, et donc je me suis marié avec elle. Et donc ce compagnon, radiallahu anhu, Jabir radiallahu anhu, il s'est caché pour regarder sa future épouse, afin qu'elle, elle ne sache pas que lui, il la regarde. Elle ne savait pas que lui, il la regardait. Et donc, il la regardait, et ensuite, il s'est marié avec elle. Et donc, le quatrième point qu'on voit ici, ce sont les leçons qu'on pourra tirer de ces deux hadiths. Les leçons qu'on peut tirer de ces deux hadiths qu'on vient de voir, Inch'Allahu ta'ala. Et donc parmi les leçons qu'on peut tirer de ces deux hadiths, il y a premièrement le fait que ce qui est voulu dans le mariage, c'est que celui-ci perdure. Ce n'est pas le fait que l'individu se marie avec la femme et qu'ensuite il la divorce. Attention, on ne dit pas que le divorce est interdit. Le divorce est légiféré en islam, lorsqu'il est fait de manière correcte. Mais ce que je veux dire ici, c'est que lorsque tu te maries avec une femme, c'est pour que ce mariage perdure. Le mariage n'est pas un jeu. Aujourd'hui, malheureusement, chez les jeunes, on voit qu'ils ont pris le mariage pour une affaire qui n'est pas sérieuse. Et, subhanallah, j'ai l'impression qu'on voit l'influence, donc, du pays dans lequel on vit sur les jeunes musulmans. L'influence occidentale. Les occidentaux, ils vont avoir ce qu'on appelle les petits copains, petites copines. Ils vont sortir ensemble. Et subhanallah, on va trouver des jeunes musulmans qui vont presque halaliser cela. C'est-à-dire qu'ils se marient avec une femme, mais c'est vraiment pour la moindre raison, aller en divorce. Ensuite, ils se marient avec une autre, pour la moindre raison, en divorce. Ensuite, avec une autre, pour la moindre raison, en divorce. Comme si c'est sa petite amie, en fait. Oh, cher frère, barakallahu fikoum, lorsque tu te maries avec une femme, oh, ma sœur, lorsque tu te maries avec un homme, c'est pour que ce mariage perdure. Il faut donc qu'on apprenne mutuellement à patienter sur les défauts des autres, car dans tous les cas, tu vas trouver des défauts. Tu ne vas pas trouver un mari ou une épouse parfaite, ça n'existe pas. Nous avons tous des défauts. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, qu'on apprenne à patienter les uns sur les autres. Et ceci, on le voit dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا. Car cela, donc le fait que tu regardes la femme, cela est plus propice à ce que votre relation perdure. Et donc le fait que la relation perdure, c'est un bien. On voit aussi dans ces deux hadiths, barakallahu fikoum, on voit l'importance qu'il y a dans le fait d'accomplir les causes qui vont aider le mariage à perdurer. Et parmi ces causes, il y a donc des causes qu'on va avoir avant le mariage, il y a des causes qu'on va avoir durant le mariage, pendant une période durant laquelle il n'y a pas de problème entre les deux époux. Et il y a aussi des causes qu'on va avoir pendant le mariage, durant une période pendant laquelle il y a des problèmes entre les deux époux. Même à ce moment-là, il y a des causes qui vont permettre d'aider le couple à perdurer. Et certes, on a déjà fait une conférence sur le sujet, quelques conférences sur le sujet. Et ça serait bien qu'on rajoute, Inch'Allah Ta'ala, si je ne me trompe pas, le titre de cette série de cours, c'est donc quelques solutions aux problèmes conjugaux. Quelques solutions aux problèmes conjugaux. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on va citer, ce sont les causes qu'on peut accomplir avant le mariage et qui vont aider à ce que le mariage perdure. Et donc, parmi ces causes qu'on va accomplir avant le mariage, il y a le fait de se renseigner sur la religion de l'homme ou de la femme, de manière générale. En demandant aux gens qui la connaissent, quelle est la religion de cette personne ? Est-ce que cette personne est dans un groupe qui va me dire que Allah n'a pas de main, ou qu'il ne faut pas dire que Allah descend au dernier tiers de la lune, de la nuit, etc. Ou est-ce que cette personne est dans un groupe extrémiste qui va me dire que tous les musulmans, en fait, ce ne sont pas des musulmans, etc. Est-ce que cette personne est dans un groupe qui est laxiste, profondément laxiste, etc. Et donc, il faut se renseigner sur la religion de cette personne avant de te marier avec elle et ensuite avoir des regrets. Il faut aussi se renseigner sur la manière dont cette personne accomplit ses obligations. Par exemple, une femme qui va se marier avec un homme, eh bien déjà, elle doit se renseigner sur cet homme. Est-ce qu'il fait ses prières à la mosquée ? Hein ? Si cet homme, il habite à côté de la mosquée, eh bien, il doit faire ses prières à la mosquée. Puisque c'est une obligation pour celui qui habite à côté de la mosquée, c'est une obligation pour lui de les faire à la mosquée. Et donc, elle va chercher à se renseigner sur la pratique de cet homme. Comment il pratique sa religion ? Est-ce que c'est une personne qui est accrochée à la salate ou pas ? Etc. Et aussi, parmi les éléments importants à regarder avant le mariage, le comportement de cette personne avec qui tu vas te marier. Cherche à te renseigner sur son comportement. Oui, elle porte le voile. Oui, elle fait la salate. Oui, mashallah. Oui, mashallah. Taïf. Et son comportement. Même chose pour l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَرْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوا. S'il vient à vous, celui dont vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, alors épousez-le, alors mariez-le. Et donc, le comportement a une très grande part dans le mariage. Tu peux avoir du ilm, tu peux avoir de la science, mashallah. Si tu n'as pas de bon comportement, tu vas faire fuir cette femme. Elle va souffrir à cause de ton comportement. Et aussi, parmi les points importants à regarder avant le mariage, pour permettre au couple de perdurer, il y a aussi la capacité de cette personne à se marier. Hein? Que ce soit, comme on a dit précédemment, la capacité à avoir des enfants, ou alors la capacité à pouvoir financer le mariage, à pouvoir assumer son épouse. Est-ce que l'homme peut assumer son épouse ? Est-ce qu'il a un travail ? Oui, c'est vrai, c'est un frère qui, mashallah, il fait ses prières à la mosquée, mashallah, elle assis, mashallah. Mais par contre, il n'a pas les moyens d'assumer une épouse. Et donc, cette femme, elle doit se renseigner sur cela avant de se lancer dans le mariage. Savoir si elle-même, elle a la capacité de supporter la pauvreté. Et aussi, parmi les points importants, il faut aussi regarder la fréquentation de la personne. Est-ce que cet homme fréquente de bonnes personnes, des personnes qui tirent vers le haut, des personnes qui aident les gens à évoluer, à s'améliorer dans leur religion ? Même chose, est-ce que cette femme fréquente des femmes qui poussent les femmes à s'améliorer dans leur religion, à avancer ? Ou est-ce que c'est le contraire ? Et donc, il est important de regarder aussi les fréquentations de la personne. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « El mar'u ala dini khalili ». L'individu a la même religion que son bien-aimé. Hein ? Celui que tu aimes le plus, celui qui est ton ami rapproché. L'individu a la même religion que lui. Et donc fais attention aux fréquentations de cette personne avec qui tu vas te marier. Parmi les causes, on a vu aussi dans ce, aujourd'hui le fait de regarder l'épouse et l'époux. Le fait que chacun puisse se regarder afin de savoir si physiquement, déjà, cela peut correspondre pour que le mariage perdure. Et enfin, le dernier point qu'on va citer aujourd'hui, c'est le fait de beaucoup invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. De beaucoup invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu as fait ton enquête, tu as regardé ci, tu as regardé ça, ça, ça. Mashallah, ton enquête s'est terminée avec 100 sur 100. Ou alors 90 sur 100, mashallah. Tu te dis, khalas, il faut que je me marie avec la sœur. Et lorsque tu te maries avec elle, ou lorsque elle se marie avec le frère, eh bien, lui ou elle découvre le contraire total de ce qui était apparent avant. Tout est entre les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et donc il faut beaucoup invoquer Allah, azza wa jal, et ne pas oublier salat al-istikhara. Certains sont précipités, certains se précipitent, ils ont vu une sœur, mashallah, éblouie par le physique de cette femme, direct, ça y est, c'est bon, je veux me marier, mais akhi, salat istikhara, non, ça y est, khalas, c'est bon, je sais, je veux me marier. Et donc ici, barakallahu fikoum, moi, je vous appelle à ne pas vous précipiter, ne pas oublier salat al-istikhara. Ne pas l'oublier. Zeynep, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé la main. Elle a fait salat istikhara. Elle n'a pas dit oui. Elle n'a pas dit oui au prophète sallallahu alayhi wa sallam tout de suite. Elle a fait salat al-istikhara. Tu te dis, mais attends, comment ça? Mais tu fais salat al-istikhara pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mais bien sûr que c'est un bien de se marier avec le prophète. Les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais bien sûr, elle sait que c'est un bien de se marier avec le prophète. Mais elle ne sait pas si c'est un bien pour elle. Parce qu'elle ne sait pas si elle va réussir à supporter. Parce que la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une vie pleine de sacrifices. Et donc, qui dit l'époux se sacrifie? C'est-à-dire que l'épouse aussi va subir ses sacrifices. Et donc elle a fait salat al-istikhara pour se marier avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui sommes-nous pour délaisser cette sunna? Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui, inshallahu ta'ala. Et on continue encore demain, bi'iznillahi ta'ala, avec quelques leçons bénéfiques qu'on peut tirer de ces deux hadiths. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.